Lakeport, Idaho, 1972-1995. Zeno. Il y a du bœuf bouilli pour le dîner. En face de lui, le visage de Mrs. Boydston émerge d'un halo de fumée. Sur l'écran du téléviseur à côté d'elle, une brosse lisse la frange de cils d'un œil démesurément agrandi. « J'ai vu des crottes de souris dans la réserve. Je poserai des pièges demain. Prends des Victor, pas les trucs pourris que tu as achetés la dernière fois. » Un acteur en costume vante le son extraordinaire de sa télévision couleur Sylvania. Mrs. Boydston laisse tomber sa fourchette en voulant la porter à sa bouche, et c'est Zeno qui la ramasse sous la table. « J'ai terminé, » lui dit-elle. Zeno l'emmène alors dans sa chambre en poussant son fauteuil roulant. Puis, il la soulève pour l'allonger sur son lit, lui prépare sa dose de médicaments, déplace la télé sur son meuble à roulettes et la rallonge de la prise électrique. Derrière la vitre, du côté du lac, les dernières lueurs du jour désertent le ciel. Parfois, dans des moments comme celui-ci, alors qu'il fait la vaisselle, le souvenir de son retour de Londres lui revient à l'esprit. L'impression que la planète allait se dérouler indéfiniment au-dessous des hublots de l'avion, étendue d'eau, champs, montagnes, et enfin les villes illuminées comme des réseaux de neurones. Il s'était dit qu'entre Londres et la Corée, il avait vécu suffisamment d'aventures pour toute une vie. Pendant des mois, il s'installe régulièrement à son bureau près du lit en laiton. À gauche, le début de l'Iliade. À droite, le lexique Liddell et Scott que Rex lui a offert. Il espérait que les vestiges du grec ancien appris au camp numéro 5 étaient ancrés dans sa mémoire, mais la reprise s'avère difficile. Menin Aeide, Thea Peleiadeoa Achilleos. Ainsi débute l'épopée. 5 mots dont le dernier est Achille, tandis que l'avant-dernier désigne celui-ci comme le fils de Pélée, tout en suggérant qu'Achille est semblable au dieu. Il ne reste donc que 3 mots à traiter, mais bizarrement le vers semble hérissé de pièges. Traduction de Pope, le courroux d'Achille, source des malheurs de la Grèce. Traduction de Chapman, fait retentir aux déesses le funeste courroux d'Achille. Traduction de Bateman, déesse chante le courroux dévastateur d'Achille, fils de Pélée. Est-ce que le grec Aeide est vraiment bien rendu par chanter, vu que le terme signifie également poète? Et quelle serait la traduction la plus juste de Menin? Fureur? Rage? Rancœur? Choisir un mot revient à s'engager sur une voie unique, alors que le labyrinthe en compte des milliers. Raconte-nous, déesse, la colère déchaînée d'Achille, fils de Pélée. Pas assez bon. Parle, Calliope, de la rage du fils de Pélée. Pire encore. Muse, racontez aux gens pourquoi Achille, le fils de Pélée, s'est foutu en colère. Dans l'année qui suit son séjour à Londres, Zeno écrit à Rex une douzaine de fois en se cantonnant strictement à des questions linguistiques, abandonnant à Hilary le domaine sentimental. Les lettres dissimulées sous sa chemise, il s'arrête pour les poster avant de prendre son service, les jouant pourprés au moment de les glisser dans la boîte. Il attend un retour pendant des semaines, les réponses de Rex n'étant ni rapides ni régulières, et le courage qui l'animait au début finit par le quitter. Les dieux de l'Olympe, buvant dans leur coupe de cornes, surveillent ses efforts laborieux à travers le toit de la maison, une expression narquoise sur le visage. Quelle vanité de sa part d'avoir pu supposer que Rex s'intéressait à lui. Lui, l'orphelin et le lâche, le conducteur de déneigeuse affublé d'un costume en polyester et d'une valise en carton. Comment a-t-il osé prétendre à ce genre de sentiment? Il apprend le décès de Rex par un courrier aérien, une lettre qu'Hilary a écrite à l'encre violette. Il l'informe que Rex a succombé à une crise cardiaque pendant qu'il travaillait en Égypte sur ses chers papyrus, s'efforçant d'arracher une phrase de plus à l'oubli. « Il tenait beaucoup à toi », précise Hilary. Les énormes boucles de sa signature occupent la moitié du feuillet. Les saisons se succèdent. Zeno se réveille dans l'après-midi, s'habille dans sa chambre étriquée et descend l'escalier qui gémit sous ses pas pour tirer Mrs. Boydston de sa sieste quotidienne. Quand il la fait s'asseoir dans son fauteuil, il lui brosse les cheveux et l'aide à manger. Puis il installe devant son puzzle et lui serre deux doigts d'Old Forester. Il allume la télévision et récupère la liste des courses sur le comptoir de la cuisine. Bœuf, oignon, rouge à lèvres, et cette fois ne te trompe pas de teinte. Crise, rendez-vous médicaux, traitement, une douzaine de visites au cabinet d'un spécialiste de Boise. Zeno l'accompagne jusqu'au bout. Il dort toujours à l'étage dans son lit étroit. Le livre de Rex et le lexique grec-anglais enseveli au fond d'un carton, sous son bureau. Le matin, lorsqu'il a presque achevé sa ronde, il lui arrive de garer son camion sur le bas-côté pour regarder le jour s'infiltrer dans la vallée, et alors il a toutes les peines du monde à rentrer chez lui. Dans les dernières semaines, Mrs. Boydston est submergée par la toux, comme si l'eau du lac avait envahi ses poumons. Il se demande si elle lui fera d'ultimes confidences sur ce qu'elle a vécu avec son père, si elle l'appellera « mon fils » et manifestera de la gratitude pour son soutien et son assistance, si un signe de sa part lui laissera supposer qu'elle a compris ses tourments. Mais dans les derniers moments, elle n'est plus vraiment présente. Il n'y a que la morphine, ses yeux vitreux et une odeur qui le ramène en Corée. Le jour de sa mort, il va patienter à l'extérieur pendant que l'infirmière en soins palliatifs s'occupe des démarches nécessaires. Et il perçoit un ronronnement mêlé au bruit de l'eau qui goutte du toit. Les arbres se réveillent, les hirondelles voltigent, les montagnes s'ébrouent dans une rumeur vibrante. La neige fond et le monde se fait entendre. Zeno décroche tous les rideaux de la maison. Retire les appuis-têtes des fauteuils, jette le pot-pourri à la poubelle, vide la bouteille de bourbon. Les figurines d'enfants au teint rose quittent leurs étagères et finissent au fond de carton qu'ils déposent dans une boutique d'articles d'occasion. Peu après, il recueille un chien bringé, baptisé Luther, une bête de 30 kilos dont le museau grisonne. Il le ramène chez lui, remplit une écuelle de ragoût de bœuf à l'orge et le regarde engloutir son repas. Après quoi le chien va flairer les alentours comme s'il ne pouvait croire à sa bonne fortune. Enfin, Zeno se débarrasse du chemin de table fané de la salle à manger, récupère la boîte rangée dans sa chambre et étale ses livres sur le plateau en noyer semé de taches circulaires. Après s'être préparé un café, il déballe la ramette de papier achetée au drugstore de Lakeport, tandis que Luther, pelotonné en travers de ses pieds, étire un soupir sur une bonne dizaine de secondes. Rex lui a dit un jour que, parmi toutes les folies dont les hommes étaient capables, il n'existait peut-être rien de plus noble, rien qui nous rende aussi humbles que s'atteler à la traduction des langues mortes. Nous ne connaissons pas les sonorités du grec ancien parlé. Les équivalences entre les deux langues sont tout sauf évidentes. Dès le départ, nous sommes condamnés à l'échec. Et pourtant, cette démarche, cet effort pour amener sur nos rivages quelques phrases sauvées des ténèbres de l'histoire, demeurait, selon lui, la plus belle des quêtes insensées. Zeno taille son crayon et se remet à l'ouvrage.